Je mets l'extra dans l'ordinaire, ces feux ont de l'énergie à revendre. Noir donné, notre fierté est désordonnée, faut la reprendre. Ils ne respectent que le parjure, le plan qu'allergie, c'est la mort. Non, je les hais pas, je te jure, mais je les tuerai avec amour passionnel. On est rationnel au régional, 20-18, la jeunesse s'emmerde tout sauf le front national. J'aimerais tant qu'Emery Caron se fasse torturer dans des caves par ceux qui chérissent que sa vraie nature se flétrise au rang d'esclaves. Les nègres ne sont bons qu'à frimer, font du big check sans le savoir, tu sais. Pas vendre la peau du Babtou avant de l'avoir tué. À cette signature, c'est le retour du fascisme, le vrai, le dur, celui qui ne pardonne ni laxisme ni rature. Y'a quand même des bons juifs, Eric Zemmour me fait plus sourire qu'Elie Semoun ou que cet enculé d'Hanouna et de son délire très fort. Toujours les mêmes tocards à la télé, vivant que ça change. Arthur, Ardisson avec un flingue, vivant que ça danse. Il faut de tout pour déférer un monde, je laisse ma trace. Je montre mon vrai visage, ça m'évitera de perdre la face. Un mal avec les Nadium pour un freestyle de grande classe. On prend place, on trempe place et tous les cadavres s'entassent, yes, iré. J'suis pas venu faire la bise aux juifs du game. Attaché au mât, j'veux pas rejoindre les sirènes. Mais qu'à lâcher Omar et borgner le cyclope comme dans l'Odyssée d'Homère. J'milite pour le décès de leur merde. Et chie sur les droits de l'homme. Spolié jusqu'à l'os, par tout autant de sensu. Tant que la ligue rapportera plein grâce aux facteurs, j'pourrais me torcher le cul. D.S. iré, dira ton escouade. Qu'ici les croisés tirent sur l'intru comme l'Ira. J'rache sur l'instru contre les rats. Qui se nomme Kader ou Moshé. Mon rap n'est pas cachère, il passe pas les portes de la mosquée. J'suis désolé, ma sœur, j'suis vulgaire, j'commets des péchés. Mais on a besoin de ce rap à défaut d'être des saints pour dénoncer le génocide en règle qui s'exerce contre le peuple français. Ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire bon nombre de PD. C'est pas le front qui va me sortir de là quand j'me débat en direct de la fosse. Y'a trop de bâtards comme Jerem Star, Arros et Cross et Q à beauté au-dessus du détroit de Gibraltar. Cadavre à laisser, moisir dans le fossé. J'méprise ma race pour ce qu'elle devient autant que j'suis fier d'être français. D.S. iré. Par l'esprit saint, je suis possédé, pas prêt de laisser les laïcistes m'exorciser. Un mélange de ça ou les deux pôles de Tars. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir de l'histoire, c'est qu'il convient de châtier chaque fois les émules de Ponce Pilate. Tolérer le mal, c'est déjà s'en faire complice. C'est pour ça que ça devrait être un crime de ne pas être antisémite. Mais quoi qu'il en soit, le problème est plus complexe. Si j'ai un fils, je l'appelle Adolphe. Si c'est une fille, ça sera Céline. En hommage à ce petit peuple qui a tellement souffert, ça sera ma manière à moi de laisser mon empreinte sur cette terre. Comme le fait un youth chaque fois qu'il prend sa monnaie sur le comptoir. Ce qui importe, c'est d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Devant le tribunal médiatique et qui est grand sang et drain, où le ministère public est aussi là. Avocat du diable, faudrait relancer la natalité goyarienne. Mais malheureusement, même depuis l'enfer, Simone Veil, les youtres ont fait crucifier le Christ. Et le pire, c'est qu'ils s'en félicitent. Mais quand son sang retombe sur eux, alors là, c'est la grande chialerie. Yo, ma Shoah, Rak Samea. S'ils vont pas au diable de même, on les y enverra. D.S. iré.